matin sous les pierres. Encore un jour brûlé par la terre, où les cris des enfants s'en iront dans le vent pour dire à la poussière que la vie pousse même au fond du désert. Plus fort que le temps des mémoires, plus fort que bien après l'histoire, le sang des innocents va graver les murs blancs. Frères et sœurs de misère condamnés au même bout de terre. Mourir à la guerre, encore faut-il des drapeaux et des dieux de colère qu'ont du bien, quel mal dans la peau. Toujours la violence qui s'avance, toujours des enfants qui s'élancent contre d'autres enfants, frères et sœurs dans le sang, mélangés sous les pierres pour toujours partager la même terre. Mourir à la guerre, encore faut-il des drapeaux et des dieux de colère qu'ont du bien, quel mal dans la peau. Ouais, pour mourir à la guerre, encore faut-il des drapeaux et des dieux de colère qu'ont du bien, quel mal dans la peau.